Je vous invite de tourner au texte qu'on vient de chanter. Manon et Nathalie, Yann et Martin nous ont rendu un service. Matthieu 6, les versets 25 à 34. Nous allons relire le texte. Oh, t'as raison. Avant de relire le texte, je pense que je vais te demander de lire le paragraphe pour nous dans deux secondes. Matthieu 6, du verset 25 à 34. Okay? Mais avant de lire le passage, évidemment, on vient de le chanter, donc on va le dire. Mais j'aimerais vous donner une petite citation pour que vous puissiez y penser. Ma citation... Et comme ceci, pas comme ceci. Vous allez adorer quelque chose. À un moment donné dans votre vie, vous allez vous donner à quelque chose. Et quelle qu'elle soit la chose à laquelle vous vous donniez, elle serait l'objet de votre adoration. Je me répète. Vous allez adorer quelque chose. À un moment donné dans votre vie, vous allez vous donner à quelque chose. Et quelle qu'elle soit la chose à laquelle vous vous donniez, elle sera l'objet de votre adoration. Okay. Mijotez la citation. On va revenir à la fin. Donc, je vais inviter Moïse de lire le texte. Matthieu 6, 25 jusqu'à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lis des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous verra-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous? Ou que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? Car cela, ce sont les païens qui les recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Merci, Moïse. Une des raisons pour lesquelles nous avons suggéré de faire le petit changement dans l'horaire de dimanche matin, c'est afin d'avoir un temps de partage à la fin, afin que le partage des textes amène à un partage ensemble. Et comme on a vu, on a fait les trois derniers dimanches en chapitre 6, on a dit, et pourquoi pas profiter du texte et de la semaine pour partager. Donc, ce matin, on va concentrer sur les possessions et cet impératif de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et on va utiliser ça pour notre temps de partage arrivé à la fin. Le texte que Moïse nous a lu commence avec « c'est pourquoi ». Donc, il est évident qu'il faut que nous référons au paragraphe précédent pour savoir pourquoi Matthieu, dans les paroles de Jésus, dit « c'est pourquoi ». Donc, regardons le contexte. Parce que dans le verset 19, Jésus dit « ne vous amassez pas des richesses sur la terre ». Et tout de suite, au début de cette conclusion de chapitre 6, et comme vous vous souvenez, depuis le début de l'année, on a regardé les trois pratiques spirituelles qui étaient très populaires dans le judaïsme à l'époque de Jésus. L'aumône, dans les versets 1 à 4, chapitre 6, la prière, la communication avec Dieu, et le jeûne qu'on a vu la semaine passée. Et Jésus avait dit, si vous voulez avoir une justice qui surpasse, une justice exubérante, une justice extravagante, qui est votre auditoire? Est-ce que c'est les gens avec les trompettes pour le monde? Est-ce que c'est les gens sur les places publiques pour la prière? Est-ce que c'est les foules qui voient vos visages tordus? Ou est-ce que c'est le Dieu qui voit dans le secret? Et le chapitre 6, comme on a vu, complimentait le chapitre 5, quand Jésus a dit, dans votre façon de lire les textes, dans votre façon de vivre avec les autres, il faut avoir cette justice qui surpasse la lettre des textes pour aller au cœur du texte, et le cœur du texte où des textes se trouvent en Jésus et notre vie en lui. Donc, le chapitre 5, nos relations avec les autres, chapitre 6, notre relation avec Dieu. Et maintenant, Jésus passe dans une autre section. Et il dit, ne faites pas une habitude de amasser les trésors sur la terre. Et il donne quatre raisons. Tout d'abord, au verset 19, ils vont être ruinés. Et Jésus dit ce, dans ce texte, où sont à la merci, les trésors seront à la merci de la rouille, des mythes qui rongent et des cambrioleurs qui percent des murs pour voler. Donc la première raison que Jésus donne pour ne pas faire une habitude de ramasser les choses, c'est parce qu'ils vont être détruits. Si vous pensez, oh, Jésus, il parle simplement aux gens de son époque du deuxième temple, juste regardez la bourse depuis 3 ans. Les gens qui ont décidé de mettre leur trésor dans les actions ont mangé royalement depuis 3 ans. Jésus continue. Il donne une deuxième raison. Il dit, deuxième raison, c'est parce que là où se trouve votre trésor, se trouve votre cœur. Et il le complimente avec une troisième raison. Il dit que les yeux sentent la fenêtre au cœur. Donc ces deux choses vont de pair. Pour les gens de l'Antiquité, les yeux étaient symboliques d'une fenêtre. Si nos yeux étaient ouverts sur quelque chose, ce quelque chose entrait dans le cœur et il est devenu l'obsession. Franchement, je pense que les gens d'Antiquité étaient plus sages que nous. Nous avons une tendance de penser que ceci est simplement du métal, une pièce d'échange. Selon les gens d'Antiquité, si je concentrais sur cela, ce quelque chose est devenu une obsession. Et là où se trouve votre trésor, là se trouve votre cœur. Donc Jésus a dit de ne pas amasser les trésors ici-bas parce qu'ils vont être détruits. Ils manifestent où se trouve le cœur. Ils vont nous contrôler. Et finalement, il termine avec cette fameuse citation, « Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et le Dieu du matériel ou du matérialisme, Mammon. » L'idée du Mammon à l'époque de Jésus était originellement portée l'idée « Où je vais mettre ma confiance ?» Et c'était pas du tout négatif. Mais avec la montée des divinités grecques, là où je me confiais est devenu celui qui était digne de notre confiance, et l'argent était symbolique du mammon. Et Jésus dit dans ce texte, ne fais pas une habitude d'amasser les choses ici-bas parce qu'ils vont être détruits. Ils ont une tendance de monopoliser notre cœur. Ils ont une façon de nous contrôler et finalement, il devient le Dieu Mammon. Et on ne peut pas servir Dieu et le Dieu petit dé Mammon en même temps. Donc, mais plutôt simplement de dire ce qu'il ne faut pas faire. Jésus dit dans le verset 20, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a pas ni de rouille, ni de mythe, ni de destruction. Maintenant, Jésus n'explique pas qu'est-ce que ça veut dire de amasser ses trésors dans le ciel. Il dit, l'antithèse, l'antidote, d'être préoccupé par les choses ici-bas, l'antidote, le contraire, c'est d'amasser les trésors dans le ciel. Et vous comme moi, nous allons poser la question, de quoi s'agit-il? C'est pourquoi le passage que Moïse nous a lu. Parce que maintenant, Jésus va s'expliquer. Maintenant, j'espère que vous avez bien noté que 5 fois dans le paragraphe que Moïse nous a lu, Jésus dit de ne pas s'inquiéter. Comme on a dit dans d'autres textes, lorsque Jésus se répète, on peut facilement dire je pense qu'il veut communiquer quelque chose. 5 fois dans un petit paragraphe, il y a un message. Et le message est très simple. Là où se trouve mon cœur, là où se trouve l'objet de mes préoccupations, là où se trouve mon cœur, là où se manifestent mes dieux, là aussi va se trouver mes inquiétudes, mes soucis, mes tracas, mes tralala. Et Jésus dit, ne vous inquiétez pas de rien. Et il donne 4 raisons, vous voyez la structure dans le texte? 4 raisons pour lesquelles on ne devrait pas amasser les choses ici-bas. Maintenant, 4 raisons pour ne pas s'inquiéter en ce qui concerne ces trésors dans le ciel. Tout d'abord, Jésus cite les oiseaux. Il dit, en parlant de tes trésors, en parlant des choses ici-bas, ne s'inquiétez pas pour tout cela, parce que Dieu pourvoit. Revoyons ce que Moïse nous a lu au verset 25. La vie n'est-il pas plus que la nourriture, Non, je vais recommencer, verset 25. C'est pourquoi je vous le dis. Ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire. Et la première chose que Jésus aborde, c'est toute la question de notre façon de manger. Donc, tout de suite, Jésus passe aux choses les plus essentielles. Même, je dirais, les plus banales. Et il dit, Dieu va vous nourrir. Et ensuite, au verset 26, Jésus dit, regardez les oiseaux. Les oiseaux, ils ne s'inquiètent pas, ni pour le manger, ni pour le lendemain, ni pour le prochain repas. Dieu pourvoit pour eux. Le verset 27, en ce qui concerne votre corps, et maintenant, dans le texte original, on peut dire, nous ne pouvons pas à notre corps ajouter une seconde. Et un autre texte porte à quoi? Je ne peux pas ajouter des centimètres à ma taille. Pour ainsi dire, Dieu me connaît. Et ensuite, en parlant du vêtement, Jésus dit, ne vous inquiétez même pas pour les vêtements. Regardez les lilas. Ils sont mieux habillés que Salomon. Et n'importe quel juif savait que le roi le plus majestueux qui vivait dans le plus grand luxe de l'histoire, c'était Salomon. Parce que c'est lui qui a doté de Jérusalem sa grande beauté architecturale. Et Jésus est en train de dire ici, Dieu pourvoit, Dieu vous connaît, mais Dieu prend soin de vous. Regardez, il prend mieux soin des lilas qu'il a pris soin de Salomon. Donc vous voyez le contraste dans le texte. De ne pas faire une habitude de ramasser les choses ici-bas, pour les quatre raisons qu'il donne, mais de faire une habitude de ramasser les choses dans le ciel. Il ne l'a pas expliqué, mais il adresse nos inquiétudes. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il est facile pour moi d'être, oui, le bon verbe c'est obsédé, d'être pris par les petites inquiétudes de la vie. Je ne vais jamais oublier, il y a 3-4 ans, Ultramar est venu chez moi. Et ils ont dit, le réservoir pour le mazout n'est plus conforme aux normes. Et moi j'ai dit, mais qui a changé les normes? Et ils ont dit, nous avons changé les normes. Okay? Donc il fallait que je construise une petite plateforme pour le nouveau réservoir. Donc, c'était fait pendant l'été. Le temps est venu pour remplir le nouveau réservoir avec le mazout. Et dans ma tête, j'ai commencé à dire, mais écoute, j'espère qu'ils ont fait tous les nouveaux calculs. J'espère qu'ils vont savoir quand le réservoir... Et en peu de temps... Je suis allé dans le courant arrière au moins 2-3 fois par semaine juste pour vérifier s'ils sont venus. Et à un moment donné, je me suis dit, et ça n'a pas de bon sens. Mais vous voyez, on commence d'être obsédé. Est-ce que j'ai trop dépensé sur la carte de crédit? Ou est-ce que j'ai... Et à un moment donné, et au milieu de la dite crise économique, oh, avec tout ce qu'on a mis dans les rayons, oh boy, est-ce qu'on va en manger? Et tout d'un coup, on commence de regarder la presse tous les jours pour nos actions. On regarde le marché boursier deux, trois fois par jour. Et on commence de s'inquiéter. Et peut-être vos inquiétudes, Thérèse, oh, est-ce que je suis bien habillé? Ça, ce n'est pas un souci pour moi parce que moi, je suis aveugle aux couleurs. Je suis marié depuis 36 ans et depuis 36 ans, presque chaque soir, je dis à Sandy, est-ce que cette chemise va avec ces pantalons? OK, je ne peux pas m'inquiéter parce que je suis nul là-dedans. Mais chacun de nous, nous avons nos inquiétudes. Et, écoute, moi, j'ai 5 pieds, 7 pouces. OK? Il y a des jours quand je veux être comme mon genre qui a 6 pieds, 4 pouces. Mais je ne peux pas changer qui je suis. Mais nous tous, nous avons nos petites tracas. Et Jésus dit ici, ne vous inquiétez pas de rien. Afin de faire le point, regardez ce que Jésus fait en verset 31. Après qu'il a expliqué les quatre raisons pour lesquelles on ne devrait pas s'inquiéter, regardez le verset 31. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous. Donc le verset 31 répète le verset 25. Maintenant, Jésus lance le défi à partir du 32. Et Jésus va dire maintenant, toutes ces choses, les païens s'en préoccupent, mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Y a-t-il quelque chose de plus choquant pour un juif que pour Jésus de dire, si vous vous inquiétez pour votre bouffe, pour votre corps, pour votre vêtement, pour vos vêtements, vous agissez comme les pères. Pas le voisin, pas la voisine, vos oppresseurs, les maudits païens. Les païens qui ne servent même pas le Dieu Yahweh. Vous êtes comme eux. Mais Dieu, le Dieu qui nourrit les oiseaux que vous regardez, le Dieu qui prend soin des lilas et qui les revête, ce Dieu, il connaît vos préoccupations. Et le verbe ici pour connaît, c'est un terme de, pas simplement de connaissance cérébrale, mais d'une familiarité intensifiée. Il vous connaît. Et qui mène maintenant à ce que nous avons chanté ce matin. Au verset 32. Et voici ce que Jésus voulait dire quand il a dit, « Amassez des trésors dans le ciel. » Fais donc. Donc c'est un impératif. Un commandement. Faites. Avec la conjonction « donc ». Donc, plutôt d'être comme les païens, plutôt d'être comme des gens qui amassent toutes sortes de choses ici-bas, plutôt de s'inquiéter du corps, la bouffe et les vêtements, cherchez continuellement. Un auteur que j'ai consulté cette semaine, il a donné une excellente traduction. Il a dit ceci, il a dit, que le règne de Dieu et sa justice soient votre préoccupation essentielle. Et j'ai aimé ça. Fais donc du règne de Dieu et de sa justice votre première préoccupation ou votre préoccupation essentielle. Jusqu'à présent, on a peu discuté le règne de Dieu. On l'a vu deux fois jusqu'à date dans le sermon. On l'a vu dans la première béatitude, lorsqu'on a lu « Heureux ceux qui se voient spirituellement pauvres, car le règne de Dieu est à eux. » On l'a vu aussi dans la cinquième béatitude. Mais maintenant, Jésus dit « Voici ce qui devrait vous préoccuper. » Nous, les Montréalais, nous comprenons bien ce mot préoccupé. Parce que cette année, on a ras-le-bol des Canadiens. Et on est préoccupé quand ils gagnent, et maintenant on est préoccupé parce qu'ils perdent, ben, jusque les deux, quatre dernières parties. Mais préoccupé veut dire d'être pris. Et Jésus dit, le règne de Dieu doit vous préoccuper. Chose intéressante, l'expression règne de Dieu apparaît 124 fois dans le Nouveau Testament. 51 fois, c'est dans l'Évangile de Matthieu. Marc n'utilise l'expression que 18 fois. Donc, nous voyons tout de suite que le règne des cieux, ça c'est la façon que Matthieu le dit, mais c'est la même chose que le royaume de Dieu, fait partie préoccupant dans ce qu'il dit. Et par le règne de Dieu, Jésus veut communiquer que la royauté, la primauté, la domination, la puissance de Dieu est inaugurée, a recommencé en Jésus. Plutôt de faire de la religion et de la loi quelque chose qui sont complètement marginalisés, quelque chose que vous qui vous préoccupe simplement dans l'au-delà ou pour le sabbat. Maintenant, Jésus dit que le règne de Dieu, la royauté de Dieu, la primauté de Dieu, sa puissance dominatrice vous préoccupe continuellement. Et lorsqu'on regarde ces 51 références du règne de Dieu dans Matthieu, nous arrivons tout de suite que Jésus est le règne. Et sa règne n'est pas simplement intérieur, mais il est aussi social. Ce n'est pas simplement pour demain, mais c'est aussi pour aujourd'hui. Et Jésus est en train de dire que le plan de Dieu, le projet de Dieu, vous préoccupe. Donc, quand moi je suis pris avec mon réservoir de mazote, est-ce que Jésus prend la place? Non. Quand je suis préoccupé parce que, oh, si bon, Jésus 5 pieds 7, je ne suis pas comme mon genre, est-ce que je suis préoccupé par Jésus? Non, lorsque je suis préoccupé par Jésus, je suis prêt de me confier en lui parce qu'il est roi. Parce que là où il y a un règne, il y a un roi. Donc, qui va dominer? Et Jésus ajoute à cela et sa justice. Maintenant, depuis 6 mois, on a beaucoup discuté la justice. Parce qu'on a vu que Jésus ne voulait pas que ses lecteurs, que son auditoire, que ses disciples soient simplement pris avec une justice comme celle des scribes et des pharisiens qui étaient préoccupés avec la lettre des textes. Non, ils voulaient une justice exubérante, extravagante, une justice qui surpasse, qui est centrée dans lui-même, une justice qui commence avec le fait que Dieu nous a déclarés justes en Jésus-Christ, mais une justice qui se traduit dans nos actions dans le monde. Et vous voyez maintenant, il y a un équilibre. Plutôt d'être préoccupé par les choses ici-bas, pour les 4 raisons que Jésus a nommées, mais d'être préoccupé par les trésors en haut. Et Jésus dit, les trésors en haut, c'est le règne de Dieu et la justice de Dieu. Qu'est-ce qui va être votre préoccupation quotidienne? Et le texte termine. Maintenant, le verset 34 répète le verset 31, qui a répété le verset 25. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et maintenant, Jésus nous donne cette promesse plate. À chaque jour suffit sa peine. On a assez de préoccupations aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas pour demain. Soyez préoccupés par Jésus et sa royauté et cette justice qui surpasse, qui est enracinée en lui et faite de son règne et de sa justice. Votre préoccupation. Dans le feuille que je vous ai donnée la semaine passée, on a vu qu'il y avait des situations particulières. Donc, avec le monde, la situation, c'était nos biens. Avec la prière, la situation, c'était de faire tout un spectacle lorsqu'on prie. Avec le jeûne, c'était la dite super-spiritualité. Mais maintenant, la situation particulière aujourd'hui, c'est le journalier, le quotidien, les préoccupations de la vie. Et le comportement habituel, comme on a vu, avec le monde, avec la prière et le jeûne, Jésus l'a bien décortiqué. Il a dit, ne soyez pas comme les comédiens, les hypocrites. Mais maintenant, Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps et de ce que vous serez vêtus. Ne soyez pas comme les païens. Pour ainsi dire, Jésus dénonce les préoccupations matérielles qui sont, selon lui, secondaires. Et l'attitude que Jésus a proposée pour le monde, la prière et le jeûne, maintenant il dit, qu'est-ce que je vous suggère? Quelle est l'attitude que je veux que vous ayez? Il nous invite de recadrer la vie, de faire un recadrage et de dire, cherchez d'abord, avant tout, la royauté de Dieu et sa justice. Une justice ancrée en lui parce que Dieu nous déclare juste et ensuite d'agir de façon juste. Maintenant, d'un côté, il est facile de lire le texte. Voici ce que le texte dit. Voici ce que, il me semble, le texte veut dire. Mais maintenant, comment vivre le texte? Ça, ce n'est pas aussi évident. Et je vous lance la question pour notre temps de partage ce matin. Comment est-ce que vous interprétez cet impératif que Jésus a lancé? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, dans le train-train de tous les jours, de faire face à vos soucis, vos inquiétudes, vos tracas, et de faire de Jésus et de sa justice votre préoccupation continue? Comment est-ce que ce texte vous parle? Daniel. Il nous a demandé par le texte de s'occuper de son royaume. Il est où son royaume? On dit qu'il est dans le ciel, mais actuellement, pour moi qui est un être humain, je suis sur la terre. Je présume que son royaume, pour le moment, il est sur la terre. Alors, si je m'occupe de son royaume, ça veut dire qu'il faut que je m'occupe des gens qui sont sur la terre. J'en déduis que je vais plus faire attention à ceux qui m'entourent, voir est-ce qu'ils soient bien, que mon propre besoin personnel. Okay. Ce qui me parle ce matin, c'est ça. Okay. De m'occuper des autres. Non, vas-y Daniel, excuse-moi. C'est marqué. Les premières lois qui ont été instaurées, c'est tu dois adorer ton Dieu de ton cœur, de ton âme. Et après, dis ton prochain. Comme toi-même. Ok. Je fais le lien avec ça. Ok. Bien dit. Quoi d'autre? Comment appliquer, comment approprier ce texte pour faire face aux soucis et aux inquiétudes? Plutôt de laisser simplement ça comme de l'encre sur la page. Comment le vivre? Moïse. Moi, je fais une comparaison de l'inquiétude avec ce qu'il appelle les bruits au verset 19 du chapitre précédent. Les inquiétudes, c'est de la terre, puis ça conseille la rue, ça détruit. Je compare à ces bruits-là, comme quand on s'inquiète plus du lendemain, de ce qu'on va manger, on peut se détruire soi-même aussi. Donc ça peut constituer une destruction personnelle. Alors, au lieu de vous inquiéter de ça, parce que ça risque de vous détruire, mais c'est mieux de se préoccuper de la parole de son royaume. De chercher d'abord le royaume du ciel. Parce que c'est là où il y a la vie. Là, ça sort. Au lieu de s'inquiéter beaucoup plus, qui aura des conséquences négatives comme la roue. Ok. Oh oui, Yann. Je vois que tu as dit, mais j'ai encore du mal. Sincèrement, fondamentalement, depuis le début, j'ai vraiment du mal avec ce texte. Là, par exemple, quand Jésus parle, il dit à des gens, ne vous inquiétez pas. Ceux à qui il parle, ça fait du sens. Parce que c'est des pêcheurs, c'est des fermiers, c'est des paysans. Les types, ils sont là, assis là, ils ont planté des graines, et puis ils attendent que la graine sorte. Et c'est pas sûr qu'ils ont à manger demain, parce que si ça pousse pas, s'il pleut pas, s'il y a trop de vent, je sais pas s'il y a quelque chose, s'il y a des criquets, n'importe quel, c'est fini, ils n'ont rien. Donc, leur nourriture de la saison prochaine, là, ben, ça tient à pas grand chose. Quand Jésus leur parle, ben, ça leur fait du sens. Les gars qui sont là, qui chaque matin vont pêcher le poisson, ben, il suffit que dans, je sais pas, dans la mer de Tibériade, ou je sais pas où ils vont pêcher d'habitude, il y a un truc qui se passe, tous les poissons sont bons. Ils rentrent au dos, ils n'ont pas mangé ni une de leur famille. Donc là aussi, ça ne tient à pas grand-chose. Des éléments, je ne sais pas, la nature, une pollution, je ne sais pas, n'importe quoi, qui fait qu'il y a un changement climatique, ben, les poissons, il n'y a plus rien. Le peu, ça ne va pas. La question, c'est parce que je vous pose, nous, actuellement, okay. Ce qu'on vit, encore une fois, pour quelqu'un qui a du travail, quelqu'un qui a une rentrée régulière de l'État, du gouvernement, je ne sais pas, mais... Comment ça peut nous parler? La question, c'est comment ça peut nous parler? Okay. Ne vous inquiétez pas de l'habit, les gens, on a des habits aujourd'hui, mais cet habit, je le mettrai demain. Au pire des cas, si je n'ai pas d'habit, je le mets demain, je le lave. Pourquoi je m'inquiéterais de... Comment dire? Non, mais exactement. Voilà. Comment est-ce que aujourd'hui, là, voilà. Pour nous qui vivons là, comment ça peut nous parler, ça? Ok. Marie. Si nos inquiétudes ne sont pas des inquiétudes sur les habits ou à la limite sur le travail et la nourriture, parce qu'on a des enfants qui rassurent, ce qu'il faut faire pour... C'est ça, mais oui, mais je suis personne. Moi, je sais que ça m'arrive de m'inquiéter pour... Qu'est-ce que ça va donner dans 2 mois, dans 3 mois? Est-ce que je vais arriver? Ça m'arrive. Mais il y a quand même des inquiétudes qui vont rejoindre, même si c'est pas celle-ci exactement, ça peut être... Comme tu disais tantôt, c'est vrai qu'il y a du monde à regarder les cours de la bourse 3-4 fois par jour. Donc, je ne sais pas moi, ils ont des dizaines de milliers de dollars en REER, ou des centaines, puis ça serait. C'est vrai que ça serait catastrophique de dire, oups, ça vient de s'envoler. Que tu aies beaucoup ou que tu aies peu, tu peux avoir des inquiétudes du type. Matériel. Ceci dit, l'impression que ça me donne, moi, c'est que quand Jésus dit chercher le royaume, c'est quelque chose de positif. C'est une invitation à faire des choix quotidiens, peut-être pas dans des petites choses, mais qui sont des choix faits en fonction d'un but choisi. Adopter. On adopte, c'est quelque chose qui nous attire. croyants de Dieu, qui ont fait le choix en fait sur ça. Alors que vivre selon nos inquiétudes, c'est pas le choix d'être inquiet ou tyrannique. Oui. C'est différent, c'est quelque chose de. Oui. Ça nous attire, on est comme négativement. Ça nous pousse. Permettez-moi de vous offrir. André, t'as mis ta main? Oui, oh, vas-y. Ensuite, je vais vous proposer une lecture quotidienne, une lecture contemporaine de ce que. Si Jésus était ici, qu'est-ce qu'il aurait dit? Vas-y, André. Chercher le royaume de Dieu, je pense que selon la conception que nous, on s'en fait, si on pose des gestes exprimés sur. On perçoit ce qui devrait être le royaume de Dieu, de rester indifférent face à peu importe la situation versus un prochain. Pour moi, c'est de créer ce royaume-là par mes gestes, en espérant que peut-être des millions de personnes qui posent des gestes très similaires aux miens, de cette façon-là, le royaume se crée par lui-même. Et c'est la façon que moi je le vois, de chercher ce royaume-là, c'est de mettre en application mes gestes, pas de mettre de côté mes inquiétudes, pas de faire partie de mon quotidien. Et au-delà de ça, c'est de chercher l'inspiration, de chercher est-ce que ce que je fais là est en accord avec ce que Dieu voudrait que je fasse. Et je le fais de façon quotidienne. Alors, que ce soit d'aider une petite personne, une grande personne, une personne âgée, que ce soit d'aider l'animal, de prendre soin de la terre, peu importe ce que c'est. Okay. À partir du moment où c'est en accord, selon ma conviction, que c'est la vision que j'ai, ce que pourrait être le royaume de Dieu, je pense que comme ça, je le rechercherai. OK, permettez-moi d'utiliser André comme un tremplin ici. Si, c'est pour continuer exactement avec ce qui a été dit. N'oubliez, le contexte, c'est question des trésors. Et ça va se détruire, donc de ne pas s'inquiéter. Il me semble que Jésus, s'il aurait flâné à Montréal cette semaine, il aurait vu trois choses. Tout d'abord, notre surconsommation. Il est frappant, hein? Ce qui était un luxe il y a 20 ans, il est aujourd'hui une nécessité. Il aurait vu notre individualisme à l'extrême. Et il aurait vu notre société avec son hypersexualisation. Avec la surconsommation, je me demande si Jésus n'aurait pas dit « Arrêtez de dire « J'en ai besoin d'eux ». Avec mon hyper-individualisme, hyper-individualité, notre préoccupation avec soi, je pense que Jésus dirait « Allez servir l'autre ». Et avec notre hypersexualisation, il a dit « Pratiquez une pureté sexuelle avec vos yeux, vos pensées et vos corps. » Parce qu'avec la surconsommation, l'hyper-individualité et l'hypersexualisation de notre culture, vous voyez comment les inquiétudes sont semées. Parce que, est-ce que j'en ai assez? Est-ce que je suis bon? Est-ce que je vais m'épanouir? Et Je pense que Jésus nous pousse dans ce texte d'être tirés à jour. Parce que, et comme Yann a dit, quand je me lève le matin, je pose pas de question. Ben, je pose pas la question, est-ce que je vais avoir une chemise? Mais quelle chemise? pas quel soulier, ou ai-je des souliers, mais quelle paire de souliers? Notre contexte est différent. Mais moi, en essayant de contextualiser le texte, donc je vais faire du règne de Dieu et sa justice ma préoccupation journalière quand je dis non aux choses, quand je dis non à moi-même pour servir d'autres, et quand, dans la hypersexualisation de notre culture, je décide de pratiquer une pureté biblique. Maintenant, je ne sais pas si j'ai raison, mais je vous offre ça comme une réflexion contextuelle. Mais n'oubliez pas ce que Daniel et André ont dit. Que le royaume de Dieu a été initié dans la personne de Jésus-Christ. On est dans le royaume aujourd'hui. Il est évident qu'il n'est pas encore tout à fait achevé. Non, oui, oui, ça se dit, hein? Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas Seigneur et qu'il ne veut pas qu'on écarte ça simplement pour répéter le Notre Père. Que ton règne vienne. Hein? Il est arrivé, mais il n'est pas tout à fait achevé. Et nous sommes impliqués dans sa seigneurie. Donc, avec nos préoccupations et nos poursuites, et avec les gens autour de nous, comme André et Daniel ont dit, nous nous impliquons. Et quand le royaume de Dieu nous préoccupe, quand la justice de Dieu nous préoccupe, tout d'un coup, mes choses, moi, mes plaisirs et mes soucis sont tout à fait remplacés par ce qui préoccupe Dieu et ce qui préoccupe le Dieu de Jésus-Christ. Une belle façon de dire non à mes inquiétudes et à mes soucis, c'est d'être généreux. Quand je suis capable de dire, c'est pas mon argent, c'est l'argent de Dieu, et je vais participer avec le budget de l'Église, avec les besoins des autres. Donc, j'ai décidé de réserver le sac pour la fin. Parce que lorsque je donne, je suis en train de dire que ce n'est pas mon argent. Ça appartient à Dieu et je donne. Donc, je vais faire circuler le sac et dans un geste contre notre société. Un acte révolutionnaire radical aujourd'hui, c'est vraiment d'être libéral avec notre argent. D'autres pensées? Oui. Je me disais que tout ça aussi, ça sert à nous ouvrir aux autres. Et j'ai mis sur mon Facebook, je dis ça parce que j'ai allongé, que je voulais pas, mais j'ai mis une chose que je trouve drôle, là, je vais la voir des fois. C'est un dessin, une caricature, c'est par en quatre, c'est le même bonhomme qui est assis devant sa télévision, sa bière, pour se donner. qui écoute sur sa télévision, fait que la première image, c'est, il parle de la série, tu sais, tant mort en série, pour les locaux. Après ça, il dit, parle le printemps arabe, tu sais, les horreurs du printemps arabe. Puis après ça, une autre affaire, le tsunami au Japon. Puis la dernière, c'est, l'entraîneur du Canadien ne s'exprime pas en français. Il saute de deux pieds dans sa Oui, oui. Ça, oui. Exactement. Oui. Quand on se préoccupe de ces affaires-là, on se ferme sur les autres. Hein? Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Voilà. Oui. Oui. C'est bien. Oui, oui. Oui. OK, je répète ma citation. vous allez adorer quelque chose. À un moment donné dans votre vie, vous allez vous donner à quelque chose. Et quelle qu'elle soit la chose à laquelle vous vous donniez, elle serait l'objet de votre adoration. Donc cette semaine, choisissons le règne de Dieu et sa justice. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons être reconnus comme une communauté ici sur le promenade, dans l'arrondissement et dans la ville au Québec, une communauté qui se donne pour toi et ta justice. Donc Seigneur, tu connais mes inquiétudes. Tu connais celles de mes sœurs et mes frères ce matin. Et nous savons fort bien qu'on ne peut pas simplement remplacer une inquiétude par le pouvoir de la pensée positive. Nous savons qu'il y a seulement toi et ta conversion qui nous change tous les jours, qui peut faire de nos inquiétudes une préoccupation de toi et de ta justice. Donc remplis-nous de ton esprit, continue la conversion du cœur chaque jour cette semaine, pour que nous puissions t'adorer et te servir. Au nom de Jésus. Amen.